Le mystère du château de Mauron, une aventure du baron Stromboli par José Moselli. Parmi les antiques châteaux d'Espagne, il en est peu d'aussi beaux que celui de Mauron, perché en pleine Estramadure, sur un des plus hauts sommets de la Sierra de Guadalupe. Construit par les Maures, au temps du royaume de Cordoue, à demi démoli par les guerriers d'Isabelle la Catholique lorsqu'ils en chassèrent l'envahisseur, rebâti depuis, embelli par les soins d'une longue lignée de grands seigneurs artistes, le vénérable manoir recèle des trésors. On citait plutôt, mais n'anticipons pas, les trois Velasquez, joyaux d'une galerie presque unique, et que des visiteurs venus des pays les plus lointains accouraient chaque jour admirer. Car les acheter, il n'y fallait point songer. Le duc, Pedro de Alcántara d'Armes, grand d'Espagne, chevalier de la Toison d'Or, et descendant en ligne directe de Jaime de Alcántara, celui-là même qui avait enlevé en 1492 le château de Mauron aux infidèles et en avait fait massacrer ensuite la garnison, se flattait de faire jeter dans les douves du manoir, lesquelles étaient profondes et pleines d'eau, l'impertinent assez audacieux pour lui proposer pareil marché. Aussi bien M. de Alcántara était homme à tenir sa parole. Dur, sec, rude, n'aimant que la chasse et les exercices violents, il vivait seul au château parmi les domestiques. On le craignait à 20 lieues à la ronde. Orphelin de bonheur, il avait fait ses études à Madrid, puis après un court voyage en France, était revenu marié avec une jeune parisienne, Jeanne d'Esbleuse, appelée par les paysans la duchesse Juana, et qui, après 6 ans de tête à tête avec son ténébreux époux, était morte. Monsieur de Alcántara, après une courte absence, était revenu, impassible comme toujours et aussi revêche que jamais. Pourtant, sans même tenir compte de l'opinion publique, il changea aussitôt son existence. Des tapissiers venus de Cáceres, la ville la plus proche, remirent de l'ordre dans les immenses appartements du manoir et en restaurèrent les meubles. En moins d'une semaine, l'intérieur du vieux château fut modernisé. Monsieur de Alcántara n'épargna point l'argent. Peu après, arrivèrent les invités que le duc avait priés de venir chasser le canard et la sarcelle en sa compagnie. On était en septembre, et les marais ne manquent point aux alentours de Mauron. Aussi, aucun de ceux à qui était parvenue l'invitation du duc ne manqua d'en profiter. À quelques heures de distance arrivèrent le comte Fernando de Arotegui, écuyer du roi, M. d'Almagro, capitaine de vaisseau de la marine royale, Jaime de Martinez, Carlos de Rumanses, Horacio de Melano, chevalier des Arriaga, en tout, 10 de gentilshommes choisis parmi la plus ancienne noblesse d'Espagne. 7 heures du soir sonnèrent à la monumentale pendule de bois sculptée sur une crédence, chef-d'œuvre de Boulle, qui ornait le salon où se trouvaient le noble Hidalgo et ses hôtes. « Allons dîner, seigneuresse, » prononça le duc. Lentement, les invités se dirigèrent vers la salle à manger et prirent place autour de la vaste table. Nous en profiterons pour décrire les convives. Monsieur de Arotegui, grand gaillard rasé, les lèvres épaisses, était renommé dans toute la péninsule pour sa force et la causticité de son esprit. On citait de lui de nombreux traits prouvant que sa réputation n'était en rien usurpée. Le marquis de Melano, mince et nerveux, le visage mat, barré d'une galante moustache noire, semblait, lui, incarner l'élégance. Grand voyageur, il avait rapporté des pays visités par lui ce qu'ils avaient de plus beau. Il alliait le flegme anglais à l'amabilité française et à la vivacité italienne. Au demeurant, très riche et gai compagnon, sa présence à Mauron rassurait à l'avance les autres invités. Avec lui, on ne s'ennuierait pas. M. de Almagro, vieillard obèse et ennuyeux, formait avec M. de Melano le plus parfait contraste. Lui ne savait parler que de marine et se récriait sur l'injustice des temps. À l'entendre, il dut être amiral pour le moins. S'il eût été, la marine espagnole serait la première du monde, du moins l'affirmait-il. Le chevalier de Arriaga, M. de Martinez, et le baron de Rumanses ne se distinguaient point du commun des gentilshommes riches et désœuvrés, ayant surtout des opinions toutes faites. Ils étaient venus pour chasser, sans plus. Après quoi, comme chaque année, suivant la tradition, ils iraient passer à Madrid l'hiver. Le reste des hôtes de M. de Alcántara, 3 hobereaux du voisinage, invités par le duc pour faire nombre, étaient d'une insignifiance notoire, et il n'est point besoin d'en parler plus. Le dîner fut lugubre. Visiblement, M. de Alcantara était préoccupé. Il mangea peu, but beaucoup et parla à peine. Par déférence, nul n'éleva la voix, et le repas se poursuivit au milieu du murmure de conversation particulière. Brusquement, le duc de Alcantara repoussa sa haute chaise et se redressa. Il était très pâle. « Vous voudrez bien m'excuser, señores, murmura-t-il, « mais je ne me sens pas bien. Oh, cela passera avec la nuit. Ne vous inquiétez pas de moi. Le maître d'hôtel va vous indiquer le fumoir. Bonne nuit, señores. » Tête basse, les sourcils froncés, le duc se retira, laissant ses hôtes ahuris. Ceux-ci se levèrent et se regardèrent en silence. Mais la voix du maître d'hôtel retentit. « Si ces messieurs veulent bien me suivre, » dit-il. Les invités chuchotant, emboîtèrent le pas au maître d'hôtel et arrivèrent dans le fumoir, vaste pièce carrée, ornée dans le style mauresque le plus pur. Deux étroites fenêtres en ogive, percées dans l'épaisse muraille, l'aéraient. Les murs étaient peints à fresque, couleur sang de bœuf. Une mosaïque d'or courait au ras du plafond. Cinq lampes de cuivre, finement ajourées, y distribuaient une pâle clarté. De larges divans, très bas, en cuir de cordou, à côté au mur, invités au repos. Et posés sur l'épais tapis recouvrant le sol, des guérillons d'ivoire incrustés de nacre et d'argent supportaient de minuscules tasses de café et d'élégantes boîtes de cigarettes turques. Les hôtes de M. de Alcantara s'installèrent sur les divans au gré de leurs préférences. Le maître d'hôtel, assisté de deux valets, servit le café, apporta des plateaux de vermeil chargés de verres et de liqueurs de toutes sortes, puis discrètement se retira. Malgré toutes ces attentions, tout ce bien-être, une certaine gêne continua à planer. M. de Martinez, le premier, se risqua à allumer une cigarette. Le chevalier de Arriaga l'imita. M. de Almagro murmura. Lors d'un séjour à Smyrne, j'ai vu un pareil salon dans la maison d'un pacha chez lequel j'avais été invité, mais en moins bien. Un silence poli suivit ses paroles. Le vieux capitaine de vaisseau reprit. Maintenant, on ne voyage plus. Les navires restent dans le port, pauvre marine. Il aurait longtemps continué ainsi ses doléances si M. de Arotegui ne s'était soudain levé. Señores, je vous demande pardon de vous quitter, mais je suis vraiment fatigué. Je vais me reposer. Sur quoi l'écuyer du roi serra quelques mains et se retira. Son exemple fut imité. Successivement, Reim de Martinez, Carlos de Rumenses, Horacio de Melano, Felipe de Arriaga gagnèrent leur chambre. En moins d'un quart d'heure, le fumoir mauresque fut désert. Dans l'immense château, les bruits cessèrent les uns après les autres et bientôt ce fut le silence complet. Les domestiques, après avoir bavardé quelque peu, leur service fini, s'étaient couchés. Eux aussi, et dans les couloirs sombres et déserts, l'on n'entendait plus que le monotone coassement des grenouilles peuplant les mares environnantes. Il pouvait être un peu plus d'une heure du matin, lorsqu'un homme, vêtu d'un costume gris, sans boutons, apparut dans le couloir desservant l'aile du château réservé aux invités. Le mystérieux individu ne ressemblait pourtant à aucun des hôtes de M. de Alcantara. Sa figure large, ses cheveux ébouriffés, n'appartenait point à un des élégants gentilshommes venus pour chasser le canard en compagnie du noble duc. L'homme ne figurait pas non plus parmi la domesticité du château, mais cependant, il semblait connaître les moindres détours du colossal édifice. Sans hésiter, à travers les couleurs obscures, il se dirigea vers la fameuse galerie de tableaux, orgueil de M. de Alcantara, et y arriva sans encombre. La galerie se composait d'une longue salle située au deuxième étage du manoir. De hautes fenêtres, percées dans la muraille extérieure et donnant sur les douves, l'éclairaient pendant le jour. De solides grilles d'acier, aux barreaux gros comme le poing, les défendaient. Défense d'ailleurs inutile, car pour y accéder, il lui fallut franchir le fossé plein d'eau et large de 12 mètres, baignant la muraille, et ensuite escalader celle-ci qui était lisse et à pic sur une hauteur de 15 mètres. Face aux fenêtres, les tableaux étaient accrochés. Il y en avait plus de 200, et malgré l'obscurité, l'or de leur cadre brillait doucement à la clarté des étoiles. Le nocturne visiteur s'arrêta un instant devant ces inestimables trésors d'art. D'un rapide regard, il s'assura qu'il était seul, puis, brusquement, il fit jaillir un rayon d'une petite lampe électrique qu'il tenait à la main. Sans se presser, il examina les toiles les unes après les autres, murmurant. « Pas mal. C'est la copie de celui du British Museum. Un peu grand. Oh, celui-là. » Il y avait là des merveilles, Velázquez, Goya, Rembrandt, Van Dyck, toute l'école espagnole et hollandaise était représentée par des toiles d'un prix inestimable. Les trois Velázquez, joyeux de cette collection sans prix, étaient accrochés ensemble au centre de la galerie. L'homme se dirigea vers eux. « Il faut savoir se contenter, » chuchota-t-il. « Ces Velázquez me suffiront. J'en vendrai deux et garderai le troisième. » L'inconnu eut un rire muet. Malheureusement, les trois tableaux convoités étaient accrochés assez haut, et malgré sa haute taille, il ne pouvait songer à atteindre les pitons les retenant, même en élevant les bras. Il regarda autour de lui dans l'espoir d'apercevoir un objet quelconque sur lequel il put monter. Comme si une bonne fée eût prévu son désir, une chaise était posée à moins de 2 mètres de lui. Rapidement, il la saisit et la plaça sous le premier des Velázquez. Il y grimpa. Puis, ayant placé sa lampe entre ses dents afin d'avoir les mains libres, il éleva les bras et saisit la corde, tenant suspendu le tableau convoité. Il la haussa afin de la dégager du piton de cuivre, mais le tableau, ou plutôt le cadre fait de chaînes sculptées lamées d'or, était lourd. Le voleur faillit tomber de son perchoir improvisé. Il n'eut que le temps de se retenir au piton supportant le tableau. Mais alors, ce fut tout juste s'il ne jeta pas un cri de stupéfaction. Au-dessous du Velázquez, un panneau de la muraille venait de tourner sur lui-même, laissant un vide large de 75 cm environ et haut du double. Le mystérieux voleur, après un court instant de stupeur, se ressaisit aussitôt. « Oh !» dit-il entre ses dents. « Voilà qui est intéressant, voyons cela. » Doucement, il descendit de sa chaise, replaça celle-ci à l'endroit où il l'avait prise et éteignit la lampe. La clarté des étoiles passant à travers les hautes fenêtres lui suffisait. Il s'engagea dans l'ouverture et, après 3 pas, s'aperçut qu'elle donnait sur un petit escalier aménagé dans l'épaisseur de la muraille. Il revint sur ses pas, tira de sa poche une petite pince d'acier et la plaça le long d'un des côtés de l'ouverture, de façon à ce que celle-ci ne pût se refermer. Ayant ainsi pris ses précautions, il s'engagea à nouveau sous la porte. Un pas feutré, sans faire aucun bruit, il gravit le petit escalier. Il remarqua qu'il suivait une direction parallèle à la muraille. Après avoir grimpé 31 marches, l'inconnu se trouva sur une petite plateforme. À tâtons, il découvrit un couloir si étroit que c'est à peine s'il pouvait donner passage à un homme. Il s'y engagea sans hésiter, et après avoir parcouru 10 mètres, il heurta soudain une muraille le long de laquelle pendait une épaisse portière de velours. Cette dernière circonstance fut heureuse pour le mystérieux voleur, car grâce à la tenture, aucun bruit ne décela son arrivée. Il s'arrêta, craignant de s'être trahi, mais rien ne bougea. L'homme alors, risquant tout, sortit de sa poche sa lampe électrique et la mit en action. Il s'aperçut alors qu'il se trouvait dans une sorte de retrait carré. Le couloir par lequel il venait d'arriver aboutissait à un des côtés, une tenture pendait en face. Les 2 autres côtés étaient constitués par un mur blanchi à la chaux. Prudemment, l'inconnu éteignit sa lampe, puis souleva le tissu de velours. Il sentit sous ses doigts les moulures d'une porte, les charnières et les trous de 2 serrures. Il écarta un peu plus le rideau, et soudain, un ray de lumière, passant à travers le grillage d'un Judas percé au milieu du panneau, lui frappa le visage. Il tressaillit, et aussitôt, colla son œil à l'ouverture. Il vit une grande chambre, sans fenêtre, luxueusement meublée. Lit de cuivre massif, fauteuil tendu de toile de Jouy, armoire d'acajou délicatement sculptée. Sur le plancher, un épais tapis, le long des murs garnis de la même étoffe que les fauteuils, de vieilles gravures anglaises étaient accrochées. Dans un angle, un clavecin en bois de rose était posé et quelques morceaux de musique le recouvraient. Un petit lustre de cristal, pendu au plafond et garni d'une 10 bougies, éclairait doucement la pièce. Dans un des fauteuils, M. de Alcantara était étendu entre un guéridon supportant des bouteilles de liqueur et une chaise sur laquelle une jeune femme était assise. Vêtue d'une ample robe de tulle bleu pâle qui faisait ressortir l'or fauve de ses cheveux, ses grands yeux bleus, fixes, exprimaient une tristesse infinie. Le duc de Alcantara devait lui parler, car elle le regardait par instant et hochait la tête sans que ses lèvres arquées remuassent. L'inconnu, effaré par ce qu'il venait de découvrir, s'était immobilisé. Soudain, il tressaillit de nouveau en apercevant un 3e personnage, une femme paraissant 40 années et revêtue d'habits très simples. « Où donc ai-je vu cette face de fouine ?» murmura l'inconnu en faisant appel à sa mémoire. Mais son attention fut bientôt détournée de son objet. La nouvelle venue, en effet, venait de s'asseoir entre M. de Alcantara et la jeune femme. L'inconnue vit qu'elle tenait un livre à la main. Obéissant sans doute à un ordre de M. Alcantara, elle l'ouvrit, et d'une voix aigre, qui arrivait jusqu'au mystérieux personnage, commença de lire en français une oraison funèbre de Bossuet. « En voilà une lecture !» pensa l'inconnu de plus en plus étonné. Mais soudain, la jeune femme blonde, émue sans doute par la triste lecture, éclata en sanglots. Monsieur de Alcantara alors se leva, haussa les épaules et fit signe à la lectrice de s'arrêter. Elle obéit et, toujours en silence, se dressa et se dirigea vers la porte derrière laquelle le mystérieux inconnu était en faction. L'homme ne l'attendit pas. Il laissa retomber le rideau et, guidé par la clarté de sa lampe électrique, regagna rapidement l'escalier qu'il descendit le plus vite qu'il put. Que se passait-il ensuite? Mystère. Vers 6 heures du matin, le valet de chambre particulier de M. de Alcantara fut réveillé par un furieux carillon produit par la sonnette électrique de la chambre de son maître. Stupéfait d'être appelé à pareille heure, le duc ne se levant jamais avant 8 heures, le domestique s'habilla en hâte et courut vers la chambre de son maître. M. de Alcantara, vêtu d'une seule chemise de soie, souillé de vomissements, se tordait sur son lit en étreignant son ventre de ses doigts recroquevillés. À la vue de son balai, il hurla d'une voix rauque. « un médecin, vite! Je suis empoisonné !»« Seigneur Diroquet !» balbutia le domestique terrifié. « Cours, ou je te tue, traître !» gronda le duc en saisissant un revolver placé sur la table de nuit. « Prends l'automobile et file à Casares !»« Oui, Seigneur Diroquet !» fit l'homme épouvanté. Livide, tremblant, il sortit de la chambre à reculons et s'élança vers l'escalier conduisant au commun. Il n'alla pas loin, car dans l'antichambre, il se heurta au majordome qui lui cria « Monsieur le duc est éveillé ?»« Oui, non, je vais le chercher. »« Quoi ? Parle donc, qu'y a-t-il ? » ? Mais non, laisse-moi passer, il faut que je voie monsieur le duc, et de suite !»« Pourquoi ? » fit le valet, oubliant sa mission à l'aspect de la figure décomposée du majordome. « Laisse-moi passer, por Dios ! Pourquoi ? On a volé cette nuit les Velasquez de la galerie !»« Oh ! J'ai trouvé sous les cadres vides un des invités de monsieur le duc, de monsieur Otegui, écuyer du roi. » »« C'est lui le voleur ? Non, triple fou, mais il doit le connaître, car il lui a donné 3 coups de poignard. »« Au voleur ? Et non ! C'est le voleur qui a par 3 fois poignardé monsieur de Otegui. » Le pauvre homme est épanoui. « Je viens de le trouver dans son sang, sous les cadres vides des 3 Velasquez. » Laisse-moi passer. Virgen des Pilars, que va dire monsieur le duc ? Monsieur le duc est empoisonné, il râle. Il vient de me commander de prendre l'automobile pour aller chercher un médecin à Casares. Oh Dios Santos, je vais le voir. Gardez-vous-en, monsieur le majordome, il vous tuerait. Il a voulu me tirer une balle de revolver. Le majordome, tremblant, regarde le valet. Comment ? Balbutia-t-il. Venez, interrompit l'homme, il n'y a pas de temps à perdre. Le majordome n'insista pas. Les 2 hommes s'élancèrent vers l'escalier. En quelques instants, ils arrivèrent dans la cour et frappèrent rudement à la porte du chauffeur qui habitait près de la remise dans laquelle était garée l'automobile du duc. Réveillant sursaut, le chauffeur apparut bientôt. « Alors quoi ? » murmura-t-il. « On ne peut plus dormir en paix. » Il s'arrêta, interdit, en voyant la pâleur du majordome. « Sortez l'auto !» ordonna ce dernier. Monsieur le duc est au plus mal, il faut aller à toute vitesse à Casares chercher un médecin. Dépêchez-vous. Ça va bien, on y va, en voilà une affaire. Le chauffeur, sa veste enfilée, se coiffa de sa casquette qu'il assura sur sa tête d'un coup de poing. Puis, les clés en main, il courut à la porte de la remise, l'ouvrit et se recula brusquement. La remise était vide. C'est-à-dire qu'elle contenait 3 bidons d'essence et quelques pneumatiques hors d'usage. D'auto, point. L'auto ? « Où est l'auto ?» balbutia le chauffeur, devenu pâle, lui aussi. Le majordome et le valet de chambre s'approchèrent, pressentant quelque nouveau malheur. À leur tour, ils constatèrent que la voiture de M. de Alcantara avait disparu. « Ah ben celle-là, elle est forte !» grommelait le chauffeur. « J'ai moi-même enfermé l'auto hier soir. Comme toujours, j'accrochais les clés à la tête de mon lit, et la preuve, c'est que je viens de les y retrouver. Pourtant, il n'y a pas à dire, l'auto n'y est plus, elle ne s'est pas envolée. » Le majordome haussa les épaules. Il venait en si peu d'instants d'apprendre tant de catastrophes qu'il ne s'étonnait plus de rien. « Nous verrons ce qu'elle est devenue, » dit-il. « En attendant, il s'agit de s'occuper de monsieur le duc. Vous, Felipe, retournez à son chevet, voir s'il n'a besoin de rien et... »« S'il apprend que l'auteur n'est pas parti, il va me tuer, sûrement, murmura le valet de chambre. Dites-lui que l'auteur est en route. Je prends tout sur moi. Allez-vous, Eduardo, prenez un cheval et courez à Caceres. Je vais vous donner de l'argent. Arrivez là-bas, vous louerez une auto et ramènerez un médecin, et vous préviendrez en même temps la police. Le chauffeur n'insista pas et obéit. Un quart d'heure plus tard, il galopait à toute allure sur la route de Caceres. Rassuré de ce côté, le majordome, plus calme, s'occupa de M. de Arotegui. L'infortuné écuyer royal avait en effet reçu 3 coups de poignard, 2 dans le dos, 1 à l'épaule. Il avait dû rester plusieurs heures évanoui, car lorsque le majordome l'avait découvert dans la galerie des tableaux, il gisait sous les cadres vides des 3 Velasquez au milieu d'une véritable mare de sang. Don Ramon, c'était le nom du majordome, après avoir fait porter le blessé dans sa chambre, le pansa tant bien que mal et parvint, après avoir lavé les plaies, à arrêter le sang coulant des terribles blessures reçues par M. de Arotegui. Ce dernier était en toilette de nuit lorsqu'il avait été poignardé. Son pyjama de soie était littéralement imbibé de sang. Impossible de l'interroger pour l'instant, car malgré les réactifs que lui fit respirer Don Ramon, il ne reprit pas ses sens. Le majordome, en attendant l'arrivée du médecin et de la police, fit nettoyer le parquet de la galerie et procéda immédiatement à l'interrogatoire du personnel du château. Il en fut pour ses frais. Personne n'avait rien vu ni entendu d'anormal pendant la nuit. Le portier affirma n'avoir ouvert à personne. Alors, Don Ramon fit fouiller le manoir des caves aux combles, mais sans trouver trace des tables volées, chose compréhensible, et encore moins de l'auto. Cependant, un à un, les hôtes de M. de Alcantara s'étaient levés et avaient gagné la salle à manger. Bien que le majordome eût recommandé aux valets de garder le silence sur les événements de la nuit, ceux-ci furent bientôt connus. L'on sut que l'auto du duc avait été volé, M. de Alcantara empoisonné, les Velasquez utilisés et M. de Arotegui poignardé. Ce fut la stupeur et l'angoisse. M. de Mélano et le chevalier de Arriaga s'en furent aux nouvelles, mais le majordome avait placé des balais en sentinelle à la porte de M. de Arotegui et du duc de Alcantara. Il fut impossible d'en tirer le moindre enseignement. Pendant ce temps, le valet de chambre particulier de M. de Alcantara avait regagné la chambre de son maître. Le noble duc, la face suante, jaunâtre, l'œil vitreux, continuait à se tordre sur sa couche en répétant « Je suis empoisonné, elle m'a empoisonné !» Il souffrait tellement qu'il ne s'était pas aperçu de la présence du valet. Il le vit enfin et hurla. « L'automobile est parti ? » ?»« Oui, monsieur le duc. Bon, qu'on m'amène le médecin dès qu'il arrivera. Toi, va-t'en, brute !» Le médecin arriva seulement 4 heures plus tard, pendant lesquelles monsieur de Alcantara pensa bien mourir de douleur. Monsieur de Mélano, qui se flattait de posséder quelques connaissances médicales, avait conseillé à Don Ramon de faire vomir son maître. Mais ce palliatif était pour le moins inutile, car le duc vomissait tant et plus sa bile et même son sang. Le poison lui avait fait perdre toute retenue, et sous l'empire de la souffrance, il poussait d'atroces hurlements qui retentissaient dans l'immense manoir. Les invités, après avoir rapidement déjeuné, s'étaient réunis dans le fumoir arabe et s'entretenaient à voix basse des événements tragiques et inattendus survenus au cours de la nuit. Quel pouvait être le bandit assez audacieux et assez habile pour poignarder un homme, en empoisonner un autre, s'emparer de 3 tableaux et fuir dans la propre automobile du duc, le tout sans être vu? Car malgré les recherches de Don Ramon, le mystère restait entier. L'automobile amenant le médecin débarqua en même temps 4 gardes civils et le juge d'instruction de Caceres. Ce dernier suivit le docteur au chevet de M. de Alcantara. Le noble duc, épuisé par le poison, était étendu sur son lit, les pupilles dilatées, la bouche sèche. Sa respiration haletante, les spasmes le secouant, décelèrent au praticien la nature du poison qu'il avait avalé. M. de Alcantara absorbait de la belladone, murmura le médecin en se tournant vers le juge Jiménez. Bien qu'il lui parlait d'une voix presque imperceptible, le malade l'entendit. « De la belladone » s'écria-t-il, la voix rauque. « Oh, c'est elle !»« Qui elle ?» demanda précipitamment le juge. « Oh, qui êtes-vous ? Laissez-moi ! Vous n'êtes pas médecin ? Alors hors d'ici, vagabond pouilleux ! Je suis le juge du district de Caceres !» Le docteur vivement écarta le magistrat. « Eh, laissez monsieur le duc en paix. Ce n'est pas le moment de l'interroger, mais je suis seul maître ici, seigneur. Le malade a besoin de mes soins, avant tout, Ne craignez rien, monsieur le duc, vos jours ne sont pas en danger. La dose était trop forte, et c'est ce qui vous a sauvé. Votre estomac a rejeté le poison. » Ce disant, le praticien ouvrit une petite boîte d'acajou qu'il avait apportée et en tira un flacon plein d'extrait de tanin qu'il fit absorber au duc dont les dents claquaient. Sur son ordre, un valet apporta du café très fort, ce qui soulagea un peu le malade. Mais, ébranlé par la réaction produite par ses antidotes, le duc tomba aussitôt dans une sorte de stupeur. Il ne bougea plus, ni n'entendit plus comme insensible. « Vous auriez dû me laisser interroger avant, » grommela Jiménez, furieux au médecin. Ce dernier, agacé, allait répondre lorsque le valet de M. Alcantara s'approcha de lui. « Il y a encore un blessé, seigneur docteur. »« C'est vrai, j'oubliais, » s'écria le médecin en soupirant. « Menez-moi vers lui. »« Je vous suis, » fit le juge. « Celui-là, vous me laisserez interroger, je pense, avant de l'endormir. »« Je n'ai d'ordre à recevoir de personne, seigneur, » affirma le praticien. Il déchira une feuille d'un carnet qu'il tira de sa poche et inscrivit quelques indications concernant le duc, puis, se tournant vers le valet, lui fit signe de la tête de se mettre en marche. L'homme obéit. Il mena le juge et le médecin dans la chambre occupée par M. de Arotegui. L'écuyer du roi reposait sur son lit, dont les draps étaient rouges de sang. Il n'avait toujours pas repris connaissance, mais par bonheur, des caillots s'étaient formés dans ses blessures, arrêtant ainsi l'hémorragie. Il était si pâle que tout d'abord le médecin le crut mort. Il appuya sa tête contre la poitrine du blessé et constata ainsi que le cœur battait toujours, mais faiblement. « Des cuvettes d'eau, de la charpie, des serviettes, vite » commanda-t-il. Il n'eut pas à attendre, Don Ramon avait tout fait préparer. Le praticien, en hâte, lava les plaies de M. Arotegui, les sonda et constata que le poumon était légèrement atteint. « Eh bien ?» demanda le juge Jiménez qui frétillait d'impatience. « Rien à faire pour l'instant. Le blessé est évanoui et c'est le mieux qu'il puisse lui arriver. Le moindre mouvement pourra rouvrir ses plaies et déterminer une nouvelle hémorragie mortelle, celle-là. D'ici ce soir, il reprendra ses sens naturellement, je crois. Sinon, je le ferai revenir à lui afin de le nourrir un peu. Je pourrai l'interroger. Je l'espère, mais je ne vous le promets pas. » Le magistrat lança son interlocuteur en regard de colère et brusquement quitta la chambre. Le médecin, ayant achevé de panser le blessé, sortit à son tour. M. Jiménez, les nerfs en boule, avait gagné le fumoir. Un à un, il interrogea les hôtes de M. de Alcantara, mais naturellement, sans rien apprendre de nouveau sur les événements de la nuit. Pendant ce temps, les quatre gardes civils arrivés avec le juge avaient à leur tour fouillé tout le château et ses environs immédiats sans rien découvrir. Ils rejoignirent le magistrat et lui firent part du résultat négatif de la recherche. La porte de la remise de l'auto ne portait nulle trace d'effraction. Le portier n'avait rien entendu, bien que la porte charretière de la cour du château eût été ouverte pour laisser passer l'auto et refermer ensuite. Quant aux trois Velasquez disparus, ils avaient proprement été enlevés de leur cadre, lesquels étaient toujours en place. Où étaient-ils ? Mystère. Il était un peu plus d'une heure de l'après-midi lorsque M. Jiménez et le médecin pénétraient dans la grande salle à manger du château, remettant à plus tard la continuation de leur enquête. En les voyant, les hôtes de M. de Alcantara, en train de déjeuner, se levèrent tumultueusement. Pendant quelques instants, les interrogations s'entrecroisèrent. « Comment va le duc ? Y a-t-il de l'espoir ? M. de Arotegui est-il sérieusement blessé ? Tient-on le coupable ? A-t-on des indices ? Et les tableaux ? Où est l'auto ? Est-ce vrai, M. Jiménez, que vous avez retrouvé l'auto ? » De la main, le juge demanda le silence. « Je ne puis rien vous dire pour l'instant, seigneuresse, » affirma-t-il. « Mais soyez sûr que les criminels seront appréhendés et châtiés avant peu. Leur arrestation est imminente. » « Monsieur de Alcantara est presque hors de danger, » déclara son tour le médecin sur une question de Monsieur de Melano. « Quant à Monsieur de Arotegui, j'espère qu'il survivra à ses blessures. » Ces vagues paroles ne calmèrent point la curiosité des convives. Mais le magistrat et le médecin s'étant mis à table, personne, par discrétion, ne les interrogea plus et ils purent manger en paix. Les invités du duc, cependant, avaient gagné le fumoir et un cigare aux lèvres commentaient les événements. Il ne fallait plus compter maintenant sur la chasse ni sur rien. Mieux valait s'en aller, tel était l'avis du plus grand nombre. M. de Arriaga annonça son départ pour le soir même. Le capitaine de Almagro déclara qu'il partirait le lendemain pour le Ferrol. Le reste des invités est indécis lorsque M. de Melano parla. « Pour moi, je ne partirai point. J'estime qu'il n'est pas digne d'abandonner notre hôte avant qu'il soit hors de danger. D'autant plus que ceux qui ont attenté sa vie à celle de notre ami Arotegi peuvent fort bien recommencer. » Ces nobles paroles furent unanimement approuvées. Personne ne parla plus de partir. Dans l'après-midi, les recherches des policiers continuèrent sans plus de succès. Mais vers 5 heures, le médecin met à avertir le juge Jiménez que M. de Arotegi venait de reprendre ses sens et qu'on pouvait l'interroger, mais très brièvement. Tout joyeux, le magistrat courut au chevet du blessé. M. de Arotegi, très pâle et d'une faiblesse extrême, regarda le juge et lentement, avec un visible effort, fit l'extraordinaire déclaration suivante. « Vous êtes le juge, n'est-ce pas ? Je suis content de vous voir. D'abord, je dois vous dire que je ne suis pas fou. Je ne suis pas fou. Cette nuit, poussé par un besoin naturel, je sortis de ma chambre. Je m'égarai et arrivai ainsi dans la galerie. Je vis soudain un tableau s'animer, un homme sortir du cadre. Oui, je vis cela. Et le fantôme, sans un mot, me frappa de son poignard par 3 fois. Je tombai et m'évanouis. Mais sachez bien que je ne suis pas fou. Moi, Fernando de Arotegi, écuyer de Sa Majesté, je jure que je dis la vérité. » En entendant ces paroles inattendues, M. Jiménez tressaillit. Aucun doute, l'infortuné marquis de Arotegi était fou. Et ce qui le prouvait encore mieux que sa déclaration, c'était le soin qu'il avait pris d'affirmer qu'il ne l'était pas. En homme prudent, sachant qu'il ne faut point contrarier les fous, le juge se garda bien de démentir son interlocuteur. « Ainsi, vous avez vu un homme sortir du cadre d'un des tableaux de la galerie. Pouvez-vous me donner son signalement ?»« Il était habillé d'un pourpoint de soie noire, tel qu'on en portait au XVIIe siècle, et de choses très larges. Il y avait un masque sur le visage, mais ses yeux étaient noirs. Voilà tout ce que j'ai vu. Je sais bien que ce que je vous dis est étrange et déconcertant, mais je ne délire pas. Je suis Fernando de Arotegi. Je suis en ce moment l'hôte de M. de Alcantara, au château de Moron, et j'ai devant moi le seigneur Jiménez. » Juge à Caceres. Dites au duc de venir, il me connaît lui, et sait bien que je suis incapable de me laisser jouer. Il n'en est pas moins vrai que j'ai vu de mes yeux vus un des personnages peints s'animer, et j'ai senti son poignard m'entrer dans la chair. Croyez-moi si vous voulez, je ne sais pas autre chose. Nous vous croyons, seigneur marquis, affirma Jiménez prudent. Cela ne satisfit pas monsieur de Arotegi. Le duc, où est le duc ? Demanda-t-il. « Monsieur d'Alcantara est parti à la chasse, » fit le médecin qui avait assisté en silence à l'interrogatoire. « Il vous a vu avant de partir, et je lui affirmai que vos jours n'étaient pas en danger. »« Ah, bien !» murmura le blessé, là. Du geste, le médecin fit signe au magistrat de cesser son interrogatoire, Monsieur de Arotegi devenant fiévreux. Monsieur Jiménez obéit. Il en savait assez, ou plutôt, il était fixé sur la valeur des déclarations du blessé. Les deux hommes se retirèrent. Le magistrat, s'étant fait indiquer un petit salon, alla s'y enfermer et commença à rédiger son rapport sur ce qu'il appelait déjà le mystère de Moron. C'était difficile. En effet, il n'avait jusqu'ici rien trouvé et il lui fallait cependant relater ses recherches et laisser espérer un résultat. Depuis plusieurs heures déjà, il s'escrimait à cette tâche et avait noirci plus de 10 feuilles de papier grand format, dont les 3/4, roulés en boule, avait été par lui jeté au panier, lorsque soudain on frappa à la porte. « Entrez !» grogna Jiménez agacé. Comme la nuit venait, il fut quelques secondes avant de reconnaître l'homme qui venait d'arriver devant lui. C'était un des gardes civils venus avec lui de Caceres. « Qu'y a-t-il ? J'ai défendu qu'on le dérangea. Seigneur juge, c'est l'automobile. L'automobile de monsieur le duc, on vient de la retrouver. » Comme projeté par un ressort, le magistrat repousse en arrière la chaise sur laquelle il était assis, et se dressa brusquement. « Hein ? L'automobile de M. Alcantara est retrouvée ? » s'écria-t-il. « Et où est-elle ? L'a-t-on amenée ici ? » ?»« Non, seigneur juge. Des paysans l'ont découverte à 30 kilomètres d'ici, au milieu d'un fourré, où elle avait été jetée par suite, sans doute, de la rupture de l'essieu arrière. Elle y est toujours. » Mais, à l'intérieur de la voiture, se trouvait une jeune femme inanimée. Elle n'était qu'évanouie, et a été ramenée ici par les paysans, malgré ses tentatives de fuite. Elle est dans le salon. Ces messieurs s'occupent d'elle. « Qui, ces messieurs ?» fit le juge, extraordinairement agité. Les invités de monsieur le duc. « Démonios ! Que personne ne l'approche ! Et les tableaux ? A-t-on retrouvé les tableaux ? Je ne crois pas, monsieur le juge. Les paysans en auraient parlé. »« Maria Purissima ! Il faut immédiatement envoyait deux gardes fouiller l'automobile de fond en comble, bien que le complice de cette femme ait dû fuir après l'accident et emporter les tableaux. Mais sait-on jamais? Allons vite! À pas pressés, le garde civil et le juge coururent vers le salon où se trouvait la mystérieuse voyageuse. Elle était assise sur une chaise, poignets et chevilles étroitement liées de cordes. Un ample manteau de drap gris l'enveloppait. Malgré sa triste situation, elle se tenait droite, les yeux baissés, la lèvre dédaigneuse, absente, ne semblant pas voir le cercle de curieux dont les regards convergeaient vers elle. Aussi immobile qu'une statue, elle demeurait indifférente et résignée. Les hôtes de M. de l'Alcantara, à la voir, ne cachaient pas leur admiration, et bien que la plupart d'entre eux la crussent complice des assassins du duc, sa beauté la leur rendait presque sympathique. Quelques-uns, à voix basse, se communiquaient leurs impressions. Près de la porte, les deux paysans qui avaient amené la prisonnière se tenaient droit sans la quitter des yeux. Précédant le garde civil, M. Jiménez entra. Il marcha vers la prisonnière et un brûle-pourpoint lui déclara « Je suis le juge d'instruction de Cáceres. Je connais tous vos crimes. Votre unique chance d'échapper au châtiment suprême est de me nommer de suite vos complices et de ne rien cacher. Seigneuresse, veuillez sortir, que j'interroge l'inculpé. » Les hôtes de M. Alcantara obéirent. L'un derrière l'autre, ils se retirèrent, non sans jeter à la dérobée un dernier regard sur la prisonnière. Sans quitter la jeune femme des yeux, Jiménez ordonna aussitôt aux deux gardes civils qui la surveillaient de se rendre immédiatement accompagné d'un des paysans à l'endroit où avait été retrouvé l'auto et de fouiller minutieusement le véhicule. Puis, resté seul avec la prisonnière, le deuxième paysan et un garde civil, le magistrat reprit, en s'adressant à la jeune femme, « Parlez maintenant. » La belle inconnue releva la tête. « Je suis à votre disposition, Seigneur. Je suis prêt à vous dire toute la vérité, mais je désirais savoir auparavant pourquoi l'on m'a arrêté et traité comme la plus vile des vagabondes. Il est vrai que je me suis servi de l'auto de M. de Alcantara, mais j'en avais, je crois, bien le droit, et pour plusieurs raisons, dont la première est que je suis la belle-sœur du duc. » « Vous êtes la belle-sœur du duc ?»« Oui, moi. Menez-moi devant lui, vous le verrez. »« Je suis Mademoiselle Charlotte d'Esbleuse, sœur de Madame Jeanne de Alcantara, née d'Esbleuse et que les chagrins ont tué. Où est Monsieur de Alcantara ?» La stupeur du juge était énorme. À n'en pas douter, la jeune femme disait vrai. Mais la dernière phrase de Charlotte d'Esbleuse lui rendit tout son sang-froid. « Ce n'est pas à vous d'interroger, madame, mais à moi. » Votre présence au château m'apparaît mystérieuse puisqu'aucun de ces messieurs ne vous a reconnu. » La jeune femme eut un rire amer. « En effet, dit-elle, je suis venue ici il y a 3 mois pour soigner ma sœur. Elle mourut, me laissant tous ses biens, au grand désappointement de M. de Alcantara, qui a mangé presque toute sa propre fortune. Aussi, que fit cet homme, dès que ma sœur fut morte, il me proposa de l'épouser et comme je refusais, il profita lâchement de mon sommeil pour me transporter dans une des chambres secrètes du château. Depuis lors, il vint me voir chaque jour, me promettant la liberté, si je consentais à devenir sa femme. Je le priais de ne plus me parler, mais en vain. Après bien des recherches, je réussis à découvrir le mécanisme ouvrant la porte par laquelle le duc venait me visiter, et cette nuit, j'ai pu enfin réussir à m'évader après avoir... » La jeune femme s'arrêta brusquement et se mordit les lèvres. « Quoi ? Tu le juges ? Rien ? Rien ?» répéta Jiménez, sardonique. « Rien. Je vais vous dire, moi, ce que vous appelez rien. Ce rien, c'est l'empoisonnement du duc de Alcantara et le meurtre de M. de Arotegui, qui voulait sans doute s'opposer à votre dessein. Oh, mais vous êtes fou, monsieur, moi, cela, oh !» Rappelez-vous à qui vous parlez, madame. Je vous répète une deuxième fois que seule une entière franchise peut encore vous attirer quelque pitié. Quels sont vos complices ? Mes complices ? Mais je n'ai commis aucun des crimes dont vous m'accusez, monsieur. Vous le prouverez au juge. Mais comme une femme ne peut à elle seule poignarder un homme, s'emparer de 3 tableaux, quel tableau, monsieur? Je deviens folle. Et sortir une automobile, j'en conclus que vous avez été aidé. Par qui? Répondez. Par personne, monsieur. Le juge eut un sourire narquois. C'est pour cela qu'on vous a trouvé évanoui à l'intérieur de l'automobile renversée à la corne d'un bois. Cette voiture a parcouru plusieurs dizaines de kilomètres sans personne au volant. Comment expliquez-vous cela? Je ne sais pas. Monsieur Jiménez haussa violemment les épaules. Vous ne savez pas. Vous avez oublié. Quelques semaines de cachot vous rendront la mémoire. N'ayez crainte. Oh mon Dieu, je suis innocente, monsieur le juge. Le magistrat ne répondit pas. De la main, il fit signe aux gardes civils de s'approcher. « Priez le docteur Monteros de venir ici, » dit-il. 5 minutes plus tard, le médecin arrivait. Il connaissait l'arrivée de la jeune femme et la considéra avec curiosité. « Comment va, monsieur de Alcantara ?» lui demanda Jiménez. « Bien mieux. Je viens de lui faire une injection de caféine. Il est très faible, mais il souffre beaucoup moins et peut-être survivra-t-il, car il est doué d'une robuste constitution. »« Très bien. Madame que voici a été trouvée dans l'automobile du duc. Elle accuse monsieur de Alcantara de l'avoir séquestrée et s'affirme innocente des crimes de cette nuit. » L'intérêt supérieur de la justice exigerait qu'elle soit sur le champ mise en présence de ce qu'elle a, d'après moi, tenté d'assassiner ou de faire assassiner. Monsieur de Alcantara pourrait-il supporter pareille confrontation? Je ne sais pas. Il est bien faible. L'émotion pourra le tuer, murmura le médecin d'une voix hésitante. Oui, oui, qu'on me conduise devant le duc, s'écria Charles Desbleuze d'un ton véhément. On verra que je dis la vérité. Monsieur Jiménez regarda le médecin. Celui-ci comprit ce que voulait dire ce coup d'œil. « Allons donc voir, monsieur de Alcantara, » acquiesça-t-il. « Venez, madame, » dit le magistrat. Charlotte Desbleuze ne bougea pas. « Vous voyez bien que j'ai les jambes liées, seigneur. Ces paysans ont jugé bon de me ligoter. » Le juge hésita une seconde, puis, tirant de sa poche un canif, il trancha les cordes retenant les chevilles de la jeune femme. « Maintenant, suivez-moi, » ordonna-t-il en se relevant. « Pas avant que vous m'ayez délié les mains, seigneur. « Je ne suis pas une criminelle, » répondit Mademoiselle Desbleuze. M. Jiménez n'était pas un mauvais homme. Pourtant, une pareille outrecuidance l'irrita. « Vous êtes une inculpée, madame, » dit-il, la voix rude. « Et vous allez me suivre de bon gré si vous ne voulez pas que j'emploie la force. » La jeune femme toisa le magistrat d'un regard de suprême dédain. « Je vous obéis, monsieur, » dit-elle sans plus. Elle se leva. Le garde civil, sur un signe du juge, va se placer à son côté. Derrière M. Jiménez et le médecin, la jeune femme flanquée de son gardien se dirigea vers la chambre de M. de Alcantara. Le duc sommeillait, étendu sur son lit. Le poison, en ravageant son organisme, l'avait vieilli de 20 ans. Il avait maintenant l'aspect d'un vieillard méchant. Une veilleuse électrique l'éclairait doucement. Le médecin le toucha à l'épaule, il tressaillit, soupira et ouvrit les yeux. « Monsieur le duc, » fit le praticien, « pardonnez-moi de troubler votre repos. Voici monsieur le juge Jiménez qui a une importante déclaration à vous faire. » Le malade frissonna. Il hocha la tête. Au même moment, Jiménez tourna le commutateur d'une lampe électrique fixée au plafond. Mademoiselle Desbleuze apparut en pleine lumière. « Vous ?» hoqueta le duc en apercevant la jeune femme. « Vous, empoisonneuse, c'est vous qui m'avez empoisonné. Arrêtez-la » L'inculpé, livide, fit mine de s'élancer vers le lit, le garde civil la retint. « Moi ? Vous m'accusez de vous avoir empoisonné, moi ? Homme vil et lâche, je n'ai fait que fuir votre présence et profiter de votre sommeil pour m'enfuir. Et je vais déposer une plainte, entendez-vous, assassin que vous êtes, car c'est à force de souffrir par vous que Jeanne, ma sœur, est morte. » Ces véhémentes paroles parurent troubler le duc. Il ne fit du moins aucune tentative pour les interrompre. Seulement ses doigts se crispèrent sous le drap qui le recouvrait. « C'est faux, » dit-il d'un ton rauque. « Je vous ai caché ici parce que vous le désiriez. Et vous m'avez empoisonné. N'y auriez-vous, hier soir, m'avoir offert du kirsch ? Ce kirsch, c'est vous qui me l'aviez donné. Oui, mais vous y avez ajouté du poison. Je jure que non. Si, misérable, j'ai même trouvé que cette liqueur avait mauvais goût. Je ne voulais pas boire. « Mais vous avez insisté, vous m'avez souri, vous m'avez dit que vous seriez content de me voir boire. Et moi qui attendais depuis toujours une bonne parole de vous, j'ai obéi, domptant ma répugnance, j'ai bu. Oserez-vous nier, empoisonneuse, que j'ai dit la vérité ?» Mademoiselle Desbleuze avait rougi. « C'est vrai, je vous ai prié de boire, mais sans arrière-pensée. Menteuse infâme, vous êtes demandé de boire, vous aussi, vous avez refusé. » « Je n'aime pas le kirsch, vous le savez bien. »« Vous avez réponse à tout, coquine. N'empêche que me voici moribond par votre faute. » La jeune femme ne répondit que par un regard de mépris. Le juge Jiménez avait écouté attentivement toute cette conversation sans y mêler un mot. Il jugea le moment opportun pour intervenir. « Ainsi, monsieur le duc, vous accusez madame. »« Mademoiselle Charlotte Desbleuze, » fit la jeune française. « Madame Desbleuze, votre belle-sœur, de vous avoir empoisonné ? Oui, et je jure sur le Christ que je ne me trompe pas. Et vous, madame ? Mademoiselle, coupa la jeune femme, mademoiselle, vous accusez monsieur le duc de Alcantara de vous avoir enfermé ici pendant 3 mois pour vous obliger à l'épouser. Oui, monsieur. Et où étiez-vous enfermé ? Je vais vous le montrer si vous le voulez. Monsieur Ramirez resta une seconde perplexe. La confrontation avait donné de bons résultats, bien qu'il n'éclaircît point toute l'affaire. Fallait-il continuer ? Le médecin le tira de son incertitude. « Je crois qu'il serait prudent de ne point fatiguer plus longuement, monsieur le duc. Ses émotions le brisent. Il a besoin de toutes ses forces pour résister au poison. » Le magistrat s'inclina. « Pour rien au monde, monsieur le duc, dit-il, je ne voudrais retarder votre rétablissement, qui, j'espère, sera prompt. Je vais donc vous laisser reposer. Je reviendrai demain vous demander d'autres éclaircissements, à moins toutefois que vous croyiez devoir parler tout de suite. Je n'ai rien d'autre à dire, si ce n'est que cette femme ment. Elle est venue à Moron de son plein gré, et c'est sur ses instances que je lui ai laissé l'usage de la chambre secrète, car elle ne voulait pas que l'on connût sa présence ici. « Vous mentez, monsieur, et je le prouverai, » dit simplement Mademoiselle Desbleuze, et elle tourna le dos au duc. Monsieur Ramirez n'insista pas. Aussi bien, il avait hâte de pénétrer dans la fameuse chambre secrète. Après avoir renouvelé à monsieur de Alcantara ses protestations de dévouement et ses souhaits de rapide guérison, il sortit de la chambre, suivi de Mademoiselle Desbleuze et du garde civil. « Venez avec nous, docteur, » dit-il au médecin. « Je vais avoir besoin de vos services. » Le praticien déféra ce désir. Guidé par la jeune fille, M. Ramirez arriva dans l'antichambre précédant les appartements de M. de Alcantara. Mademoiselle Desbleuze, impassible sous les regards des valets assemblés dans la pièce, marcha droit vers une statue de stuc représentant Diane Chasseresse appuyée contre la muraille. Puis, après qu'on lui eut délié les mains, elle fit pivoter la statue sans effort et, se baissant, attira à elle un piton fixé au parquet à l'endroit qu'occupait le socle de la statue quelques instants auparavant. Un pan de mur, actionné par quelques ressorts, glissa silencieusement dans une invisible rainure et découvrit un étroit escalier aménagé dans l'épaisseur de la muraille. « Ce passage, dit Mademoiselle Desbleuze en se redressant, conduit à la chambre où j'étais enfermée. J'ai pu, après de patientes recherches, en découvrir le secret, et non sans peine. Mais il nous faut une lampe pour nous y diriger. » M. Ramirez commanda aussitôt au valet, stupide d'étonnement, d'apporter l'objet demandé. Il se saisit lui-même de la lampe qu'un des domestiques lui tendit et, précédant Mademoiselle Desbleuze, s'engagea dans l'escalier. Celui-ci aboutissait à un long couloir, lequel s'arrêtait devant une porte entrouverte. Le magistrat la poussa et se trouva au seuil d'une chambre sans fenêtre. La même chambre où, la nuit précédente, le mystérieux inconnu avait entendu lire du Bossuet. Sur un guéridon, des fioles de liqueur et des verres étaient posés. Le médecin saisit une bouteille portant une étiquette sur laquelle était écrit ce mot « Kirschenwasser », en retira le bouchon et emporta le goulot à ses narines. Aucun doute, on a mêlé de l'atropine à ce kirsch. L'odeur en est caractéristique, il n'y a pas à s'y tromper. Mademoiselle Desbleuze pâlit et trébucha comme si elle allait se trouver mal. Le garde civil, qui la guettait, eut juste le temps de lui approcher un fauteuil sur lequel elle se laissa tomber, prête à défaillir. « Qu'avez-vous à dire cela ?» lui dit rudement M. Ramirez en la regardant dans les yeux. « Rien. Je suis innocente, » murmure la jeune femme. « Je vous avertis une dernière fois, mademoiselle, que vos dénégations sont inutiles et surtout dangereuses pour vous. Tout vous accuse, tout. Je veux bien croire à la rigueur que le duc vous a séquestré. Cela vous excuse, bien peu. Enfin, je veux dire que cela explique pourquoi vous avez voulu vous venger. « Je suis innocente, » répéta Mademoiselle Desbleuze. Le magistrat eut un haussement d'épaule impatienté. « Cela vous plaît à dire ? Tant pis. Mais cela n'explique pas comment les tableaux de M. Alcantara ont disparu. Comment M. de Arotegui a été poignardé devant les cadres vides et pourquoi l'on vous a retrouvé évanoui dans l'automobile du duc ? La vérité, c'est que vous avez eu un complice. C'est lui qui s'est emparé des tableaux, a tenté de tuer M. de Arotegui, par qu'il craignait d'être dénoncé, a dirigé l'auto, et celle-ci brisée, il vous a lâchement abandonné en vous croyant morte. J'ajoute que c'est sans doute le même individu qui vous a procuré le poison que vous avez fait absorber à M. de Alcantara. C'est lui, le vrai coupable. C'est pourquoi je vous adjure encore, dans votre intérêt, de me dire son nom. Je n'ai pas empoisonné Monsieur de Alcantara. C'est une affreuse machination. » gémit la jeune femme. « Je ne sais ce que vous voulez dire avec l'histoire des tableaux et du meurtre de Monsieur de Arotegui. J'ai réussi à pénétrer chez le portier. J'ai pris les clés de la remise de l'automobile. Je comptais gagner la gare de Caceres. Malheureusement, une roue, un pneumatique, enfin quelque chose, cassa. Je n'eus que le temps d'arrêter le moteur et fus projeté sur la route. Après être resté quelque temps évanoui, je me traînais dans la voiture où l'on m'a retrouvé. « Ah, et vous êtes bien sûr de dire la vérité, mademoiselle ?»« Oui, très bien. Malheureusement, vous n'avez oublié qu'un détail, c'est que les clés de la remise de l'auto se trouvaient dans la chambre du chauffeur et non dans celle du portier. » « Je suis innocente, monsieur. Je me suis trompée. C'est ce que je voulais dire, » balbutia la jeune femme frissonnante. Monsieur Jiménez ne put rien tirer d'autre de la belle Charlotte Desbleuze. En vain employait-il pour la faire avouer toutes les subtilités de sa dialectique. La jeune femme persista à affirmer son innocence. Le magistrat, le lendemain, la fit conduire à la prison de Caceres après l'avoir inculpée de tentative d'assassinat sur la personne du duc de Alcantara, de M. de Arotegui et de vol des trois Velasquez. Malgré l'arrestation de Mlle Desbleuze, le mystère restait complet. Les gardes civils envoyés par le juge pour fouiller l'automobile dont s'était servi l'accusé revinrent bredouilles, bien qu'ils eussent fait démonter en leur présence la carrosserie, le moteur et jusqu'aux pneumatiques du véhicule. Les trois Velasquez n'y étaient pas ou n'y étaient plus. Quant au mystérieux complice, car certes, Mlle Desbleuze, malgré ses dires, n'était pas parti seul, il demeurait lui aussi introuvable. Nul parmi les paysans des environs ne l'avait vu. Ainsi, malgré les efforts du juge Jiménez, qui voyait dans cette affaire le double profit de se distinguer et de plaire au duc de Alcantara, le mystère du château de Moron, comme l'appelaient les journaux, demeurait entier. Mis au secret le plus rigoureux, interrogé sans relâche, surveillé, épié, Mlle Desbleuze persista à proclamer son innocence au juge d'instruction incrédule, bien que tout l'accablât. Cependant, le duc de Alcantara se remettait peu à peu. Il avait appris le vol des trois Velasquez et la tentative de meurtre dont M. de Arotegui avait été victime. Par son ordre, les journaux de la péninsule annonçaient une récompense de 100 000 pesetas à celui qui ferait retrouver les auteurs du vol ou les tableaux volés. Bien que très grièvement blessé, M. de Arotegui, lui aussi, marchait vers la guérison. Lucide et calme, il persistait à affirmer qu'il avait été frappé par un personnage vêtu d'un costume du XVIIe siècle et qui était sorti de son cadre pour le poignarder. Cette étrange déclaration ne rencontrait bien entendu que des incrédules, mais nul ne s'avisait de contredire un homme qui venait à peine d'échapper à la mort. L'on mettait ses divagations au compte de la faiblesse provoquée par l'abondante hémorragie causée par les blessures de l'écuyer royal. Par politesse, aucun des hôtes du duc n'avait quitté le château, bien que la vie y fût morne et sans attrait. M. de Almagro charmait ses loisirs en écrivant d'interminables mémoires sur la réorganisation de la flotte espagnole. Il en parlait au repas, mais personne ne l'écoutait. Raïm de Martinez et Carlos de Rumenses tuaient le temps en jouant au billard. M. de Arriaga avait fini un jeu de puzzle et s'ingéniait à aligner les petits morceaux de bois formant les tableaux. Chassé, il n'y fallait pas compter. Une pluie fine et monotone ne cessait de tomber. Horatio de Milano, seul, peut-être, ne s'ennuyait pas au château. Il passait ses journées à écrire des vers qu'il déclamait le soir aux invités ravis. À l'insu des hôtes du noble duc, deux policiers renommés, déguisés en valets, étaient arrivés au château et, tout en surveillant les invités, n'avait pas manqué, sait-on jamais, et M. de Alcantara voulait à toute force retrouver ses Velasquez, de fouiller leurs chambres et leurs bagages à la première occasion, en pure perte d'ailleurs. M. de Alcantara guérissait très rapidement, quoique son estomac, rongé par le poison, le fît cruellement souffrir. 12 jours après le drame qui avait failli lui coûter la vie, il put commencer à se lever et à recevoir la visite de ses hôtes, étendus sur une chaise longue. Sa figure, ravagé par la souffrance, n'était rien moins que sympathique, et c'est tout juste s'il répondait quelques vagues paroles à M. de Arriaga, qui le premier venait le féliciter d'avoir échappé à la mort. Malgré la promesse des 100 000 pesetas et les investigations d'une armée de policiers, le ou les complices de Mlle Desbleuze, si tant est que la jeune Française fût coupable, et aussi les trois Velasquez, continuaient à rester introuvables, ce qui n'était point pour faire plaisir au duc. Charlotte Nesbleuse, elle, persistait à nier, et comme aucun fait nouveau n'était venu demander un supplément d'enquête, son procès était proche. De l'avis unanime, on la jugeait coupable. La jeune Française, enfermée dans une cellule sombre et puante de la prison de Caceres, avait perdu sa belle assurance. Elle ne cessait plus de pleurer, mais malgré tout, niait toujours avec la même énergie. Un moine franciscain, venu pour la réconforter, ne put obtenir d'elle l'aveu des crimes dont on l'accusait. « Je suis innocente », affirma-t-elle une fois de plus. Personne d'ailleurs ne s'intéressait à elle. C'est à peine si quelques jours avant la date de son procès, une femme dont le nom demeura inconnu vint la voir et resta une heure avec elle. À la suite de cette entrevue, la prisonnière pleura davantage, mais persista à clamer son innocence. La date de la comparution dans les assises arriva sans qu'elle eût trouvé le plus petit argument pour se justifier. À Caceres, une foule énorme d'étrangers était accourue pour assister au procès de Mademoiselle Desbleuze. La jeune Française, en effet, appartenait à une des plus anciennes familles de l'Anjou et était la belle-sœur de M. de Alcantara, qu'elle accusait de l'avoir séquestrée et qu'elle avait voulu empoisonner. Le scandale s'annonçait énorme. Le procès de Charlotte Desbleuze occupa une seule audience. Lorsque la jeune Française, vêtue de noir, calme, le front haut, les yeux brûlés par les larmes, mais regardant droit devant elle, fit son entrée dans la salle du vieux palais de justice de Caceres, un murmure de désapprobation monta de la nombreuse assistance. On estimait cynique l'attitude de l'accusé. Sans paraître rien entendre, la jeune fille s'assit sur le banc de bois luisant qui lui était réservé et, impassible en apparence, attendit. Elle répondit correctement à l'interrogatoire du président. Charlotte Desbleuze de Limeuil, 22 ans, née à Angers. Elle jura sous le Christ qu'elle était innocente des crimes dont on l'accusait, refusa de donner aucune autre explication sur sa conduite et accusa une fois de plus M. d'Alcantara de l'avoir séquestrée. C'est en vain que le président, ému par la jeunesse de Mademoiselle Desbleuze, tenta d'atténuer l'effet de ses dénégations absurdes en lui promettant l'indulgence du jury si elle se décidait à avouer. Le front barré d'une ride têtue, la jeune Française persista dans ses dires. M. de Alcantara, cité comme témoin, mais ne pouvant venir en raison de son état de santé, avait écrit. Le président lut sa lettre. Le duc se bornait à repousser hautement l'accusation de Mademoiselle Desbleuze et affirmait que c'était pour la satisfaire qu'il avait caché son séjour au château de Moron. Le reste de sa lettre renouvelait ses déclarations à M. Jiménez sur la manière dont Charlotte Desbleuze lui avait fait boire le kirsch empoisonné. Cette lettre produisit une impression énorme. Le témoignage, également écrit, de M. de Harotegui, contribua à accabler l'accusé. L'écuyer royal y affirmait avoir été poignardé par un homme sorti d'un tableau. « Sans nul doute, expliqua le président, il faut voir là l'hallucination d'un homme surpris et poignardé dans les ténèbres. C'est la robe de l'accusé qu'il a prise pour un haut de chausse et son col de dentelle pour une fraise. » Mademoiselle Desbleuze ne répondit même pas, visiblement outrée. À leur tour, les deux paysans qui avaient découvert l'automobile du duc de Alcantara témoignèrent que Mademoiselle Desbleuze gisait évanouie sur les coussins de la voiture lorsqu'il avait aperçu et que la jeune femme, ayant peu après repris ses sens, avait tenté de s'enfuir, ce qui avait excité leur défiance. « Je craignais qu'on ne me ramenât à M. de Alcantara !» interrompit la jeune Française. Enfin, les paysans, la prenant pour une voleuse, l'avaient ligotée et amenée à Moron. Le personnel du château interrogé n'apporta aucune lumière nouvelle sur cette étrange affaire. Comment les tableaux et l'auto avaient-ils été enlevés? Et M. de Harotegui poignardé, nul ne peut l'expliquer. Une dernière fois, le président somma l'accusé de révéler le nom de ses complices. « Je n'en ai pas, je suis innocente !» répondit d'une voix ferme Mademoiselle Desbleuze. « Messieurs les jurés apprécieront !» Le réquisitoire fut prononcé. Il fut court et foudroyant, et demanda la peine de l'emprisonnement perpétuel pour l'accusé. En vain, l'avocat de la jeune Française tenta-t-il de la disculper, ou tout au moins d'amoindrir les crimes reprochés à sa cliente en accusant M. de Alcantara de l'avoir séquestré. Le siège du jury était fait. Après quelques minutes de délibération, il revint dans la salle des séances, rapportant un verdict affirmatif sur toutes les questions et sans circonstances atténuantes. Charlotte Desbleuze, reconnue coupable d'une double tentative d'assassinat et de complicité de vol à main armée, fut condamnée à 30 ans de réclusion. Dans la salle, des murmures approbatifs se firent entendre. Charlotte Desbleuze, debout, eut un bref frisson. Ses yeux bleus reflétèrent une détresse infinie. Elle murmura « Je suis innocente ». Les gardes civils qui la surveillaient durent la retenir pour l'empêcher de s'affaisser. Elle se laissa ramener en prison, comme indifférente à son sort, et sans même écouter les banales consolations que son avocat essayait de lui faire entendre. La nouvelle de la condamnation de Mademoiselle Desbleuze n'arriva que le lendemain au château de Moron. Ce fut Horatio de Mélano, arrivé de Cacérès, où il s'était rendu sur sa puissante automobile, qui la porta. Le marquis ramenait aussi une jeune femme et deux élégants gentlemen à la lèvre rasée, au chic tout britannique, qu'il présenta aussitôt aux invités accourus à sa rencontre. Mademoiselle Rimnet d'Organce, une petite cousine à moi, son tuteur, Mr. Barnett, et mon ami, John Crabat. De part et d'autre, on s'inclina. M. de Mélano expliqua qu'il avait rencontré à Cacérès ses amis en train de visiter le sud de l'Espagne et qu'il avait pris la liberté de les amener à Moron afin de leur faire visiter le manoir historique du duc de Alcantara. Les nouveaux arrivés s'en furent aussitôt au salon. M. de Alcantara, presque entièrement remis, s'y trouvait. Il lisait les journaux de la veille, tandis qu'autour de lui, le capitaine de Almagro et le chevalier de Arriaga conversaient à mi-voix. Dans l'embrasure d'une fenêtre, M. de Arotegui, enveloppé d'une douillette robe de chambre en velours rouge, reposait étendu sur une chaise longue. À l'entrée de Horatio de Mélano, la conversation s'arrêta. Tous les regards se tournèrent vers lui. « Vous venez de Cacérès, cher ami ?» demanda le duc. « Mais oui. Elle est condamnée ?»« Oui, 30 ans de réclusion, » prononça M. de Mélano. Cela jeta un froid. « Pauvre fille !» C'était M. de Arotegui qui venait de parler. « Pauvre fille ?» éclata le duc. « Dites que cette infâme empoisonneuse mérite la mort !» Une gêne régna parmi l'assistance. M. de Mélano la dissipa en disant au duc. « Figurez-vous, mon cher ami, que j'ai pris la liberté d'amener au château 3 de mes amis, messieurs Lionel Barnett et John Crabat et Manuel Rimnet d'Organce, qui brûlaient d'envie de voir Moron. « Mais vous avez bien fait, mon cher. Vos amis sont les bienvenus. Ils nous distrairont, en tout cas, » déclara le duc. Ces derniers mots firent froncer imperceptiblement les sourcils du marquis Horatio, qui fit aussitôt les présentations. M. de Alcantara fut aimable, sans plus. Le physique ingrat de Mademoiselle d'Organce l'avait déçu, et c'est tout juste il ne le montra pas. L'après-midi se passa en conversation. Les amis de M. de Mélano s'employèrent à visiter le château. Enfin, l'heure du dîner sonna. Pour la première fois depuis son empoisonnement, le duc parut à table, mais non M. de Arotegui, encore trop faible, et qui resta sur sa chaise longue. Malgré tout, le repas fut assez triste. Au dessert, l'assistance regagna le salon dans lequel était resté M. de Arotegui. M. de Mélano, prétextant avoir oublié quelque chose dans sa chambre, sortit peu après et revint au bout de 10 minutes, amenant avec lui une femme d'une 40aine d'années, vêtue de laine noire et dont le visage respirait la fourberie et la méchanceté. Comme les distractions sont rares ici, mon cher duc, fit tranquillement M. de Mélano, sans paraître s'apercevoir de la stupeur des invités, j'ai pensé à prier à la signora Juana Molinari de venir nous réciter quelque chose. Comment ? S'écria la femme en faisant un mouvement pour s'enfuir. M. de Alcantara était devenu affreusement pâle. Mais oui, continua M. de Mélano sans s'émouvoir, et en retenant solidement la femme par le bras. Vous avez un très beau talent de lectrice pour une femme de chambre, signora, surtout pour lire les oraisons funèbres de Bossuet. Je ne sais pas ce que vous voulez dire, balbutia la femme en essayant vainement de cacher son trouble. Je vais vous l'expliquer, ou plutôt Mademoiselle Desbleuze va le faire à ma place, affirma M. de Mélano. Des cris de stupeur résonnèrent. Rimnet d'Organce, rapidement, venait d'enlever sa perruque noire et de faire disparaître le fard lui brunissant le visage. Aucun doute, la pseudo Rimnet d'Organce n'était autre que Mademoiselle Charlotte Desbleuze, celle qui venait d'être condamnée à 30 ans de réclusion par le jury de Cacérès quelques heures auparavant. Les os de M. de Alcantara, médusés littéralement, la fixèrent au milieu d'un silence de mort. « Oui, » fit Horatio de Mélano, « Mademoiselle est bien Charlotte Desbleuze. C'est moi qui l'ai fait tout à l'heure évader de la prison de Cacérès. Car il importe que chacun en ce jour soit remis à sa place. » Et je puis le dire, je n'ai agi que dans l'intérêt de la vérité. Écoutez-moi, seigneuresse. Mademoiselle Desbleuze était ici prisonnière de M. de Alcantara, qui comptait la persuader de l'épouser. Calomnie infâme ! Rugit le duc en faisant mine de s'élancer sur Don Horatio. « Misérable ! Silence ou je vous tue !» avertit celui-ci en sortant son revolver tout armé de sa poche. « Je suis votre hôte, Duc, ne l'oubliez pas. »« C'est bon, parlez. Nous réglerons cela ailleurs qu'ici. »« Soit. J'aurai du reste vite terminé. » Je dis donc que M. de Alcantara espérait convaincre Mademoiselle Desbleuze. Il s'aperçut bientôt qu'il n'y parvenait point. Il fit venir sa sœur de lait, son âme damnée, la signora Juana Molineri. Il la donna comme gardienne à Mademoiselle Desbleuze avec mission de devenir son amie et d'essayer de la convaincre que son intérêt était d'épouser M. de Alcantara, dont elle chanta les louanges. Juana s'acquitta à merveille de cette entreprise perfide. Je veux dire qu'elle devint l'amie de Mademoiselle Desbleuze, mais au lieu de servir le duc, elle ne servit que sa vengeance à elle. Car la dite Juana, élevée avec M. de Alcantara, ne pouvait lui pardonner d'être un homme riche, noble, envié, tandis qu'elle restait une pauvre paysanne, alors que tous deux avaient sucé le même lait. Haïssant à la fois M. de Alcantara et Mademoiselle Desbleuze, en qui elle voyait une favorisée du sort, elle offrit à Mademoiselle Desbleuze de l'aider à fuir. Cette offre fut acceptée avec gratitude et reconnaissance. La molinerie se chargea de faire fabriquer Placérès, chez un serrurier que j'ai retrouvé, des fausses clés ouvrant la porte jarretière du château et la remise où était enfermé l'automobile. Ces clés, elle remit à un de ses compatriotes, le signor Carmoli, qui a disparu pour la bonne raison qu'il est en ce moment en prison pour vol. Mais passons. Et arrivons au chef-d'œuvre de cette infernale combinaison, la molinerie, qui seule connaissait le secret permettant de sortir de la chambre dans laquelle était enfermée Mademoiselle Desbleuze, déclara la prisonnière que pour fuir, il importait que M. de Alcantara dormît profondément. Or, dit-elle, le duc a d'ordinaire le sommeil très léger. C'est pourquoi il importe de lui faire absorber un soporifique, car de sa chambre, on entend tout ce qui se fait ici. Vous avez deviné, seigneuresse, ce soporifique, la signorina offrit de le procurer à Mademoiselle Desbleuze, qui accepta naïvement, et la nuit, fixée pour sa fuite, s'employa à le faire absorber par le duc mêlé à du kirsch. Or, le soporifique prétendu, fourni par la molinerie, n'était autre que de la belladone, poison violent, et que cette astucieuse molinerie se procura chez un pharmacien de Caceres où elle se rendit déguisée. Ce pharmacien, je sais son nom. Ce qu'elle avait prévu arriva. Elle fit sortir Mademoiselle Desbleuze par une des deux issues de la chambre secrète, et tandis que sa victime rejoignait dans la cour du château le signor Camorli, qui attendait avec l'automobile, la molinerie, tout heureuse d'avoir si bien réussi, pensait regagner sa chambre en passant par la seconde issue secrète, laquelle donne dans la galerie des tableaux, ainsi qu'on peut s'en assurer. Malheureusement, juste au moment où elle sortait, pour ainsi dire, du mur, notre ami M. de Arotegui vint à passer. Prudente et craignant des complications, la molinerie n'hésita pas. Par trois fois, elle plongea dans le corps du fâcheux le mignon poignard qu'elle porte toujours sur elle, je le sais, et qui n'a point été retrouvé. Voilà pourquoi M. de Arotegui se fit taxer de folie, en prétendant que son assassin était sorti d'un des tableaux accrochés au mur. Il prit la robe de sa meurtrière pour un haut-de-chau simple comme ceux qu'on portait au commencement du XVIIe siècle et le col de dentelle pour une fraise. Pendant ce temps, Mademoiselle Desbleuze fuyait dans l'automobile du duc, le cœur rempli de reconnaissance pour celle qu'il avait sauvée. Malheureusement, le signor Camorli, mauvais conducteur ou pilote malchanceux, versa l'automobile dans un fossé et s'enfuit sans demander son reste, laissant Mademoiselle Desbleuze évanouie. Le reste, les journaux l'ont raconté. L'arrestation de Mademoiselle Desbleuze, l'accusation pesant sur elle, et son héroïque mutisme, elle craignait de compromettre l'ami qui l'avait aidé dans sa fuite. J'ajoute que pour mieux convaincre sa victime, la signorina Molineri poussa l'astuce jusqu'à l'aller visiter et encourager dans sa prison. Son plan, vous le voyez, a été déjoué. Le hasard m'ayant permis de deviner cette infamie, je n'ai pas voulu la laisser s'accomplir. Pourtant, j'hésitais. Je ne pouvais croire à tant de méchanceté. Mais ayant réussi à dissiper mes doutes, je mis tout en œuvre pour faire évader Mademoiselle Desbleuze. Je n'ai pu y réussir qu'aujourd'hui, et je le regrette, car je lui épargnais à cette demoiselle des angoisses inutiles. Je l'ai aidée ensuite à se déguiser et à se grimer. Et en compagnie de deux amis sûrs, je l'ai accompagnée ici afin de l'aider à démasquer celle qu'il avait voulu perdre. Voilà qui est fait. Et mes tableaux? Mes tableaux? Tout ceci n'explique pas comment sont disparus mes Velasquez, gronda le duc de Alcantara, verdâtre de fureur, de dépit et d'humiliation d'avoir été ainsi joué. Je ne m'en suis point soucié. Je me suis occupé de réparer une injustice et non de rechercher les objets disparus. Le duc se mordit les lèvres. Il se tourna vers la molinerie qui, retenue par John Cravette, jetait autour d'elle des regards de folle. « Gredine infâme, empoisonneuse, siffla-t-il. Me diras-tu où sont les tableaux que tu m'as volés? Va, parle, humilde démonios, je te tue comme une vipère que tu es. » La signorine parlera si cela lui plaît, interrompit Horatio de Mélano. Elle va simplement signer l'aveu de ses crimes, que chacun de nous voudra bien authentifier en y apposant sa signature, après quoi elle sera libre. Je veux dire que je lui ferai passer la frontière. Pas avant qu'elle ne m'ait dit où sont passés mes Velasquez, gronda le duc hors de lui. Et puis vous-même, Mélano, vous aurez à me fournir quelques explications sur toute cette histoire à la Don Quichotte. Mademoiselle Desbleuze est peut-être innocente, mais vous avez oublié de nous dire comment vous aviez découvert cette innocence, monsieur le policier. Je ne suis pas un policier, mon cher duc, affirma monsieur de Mélano très calme et même un peu ironique. Que vous soyez policier ou non, peu m'importe. Et je vous somme d'expliquer pourquoi vous vous êtes mêlé d'une affaire qui ne vous regardait pas. Simplement parce que mademoiselle Desbleuze était malheureuse. Cela vous suffit, j'espère. Sornette, il se pourrait bien que ce soit vous, et non la molinerie, l'assassin de monsieur de Arotegui. D'ailleurs, la justice saura. Ne parlez pas de justice, mon cher duc, je vous en prie, interrompit monsieur de Mélano. J'ai d'ailleurs encore quelques mots à vous dire, et qui vous convaincront, j'espère. Vous m'y forcez, et c'est regrettable. Mais qu'importe. Sachez que mademoiselle Desbleuze n'a pas eu à demander mon aide. La nuit du drame, j'étais en train de décrocher vos Velasquez. Un geste et vous êtes mort. Lorsqu'en appuyant sur le crochet qui retenait l'un d'eux, une porte s'ouvrit devant moi. Malédiction. Taisez-vous, duc. Je suis curieux de ma nature. Cette porte, je l'ouvris. Elle donnait sur un couloir qui me conduisit à une porte munie d'un judas, à travers lequel j'entendis cette infâme Juana Molinari lire une oraison funèbre de Bossuet pour désespérer un peu plus la prisonnière. Je me retirai, décrochai les trois Velasquez, les mis en sûreté et me couchai. Le lendemain, j'appris le drame. L'arrestation de mademoiselle Desbleuze me donna à penser. Je me mis en quête et découvris la vérité, vérité qui me persuada de délivrer mademoiselle Desbleuze et de l'amener ici pour confondre ses accusateurs. Maintenant que c'est fait, il ne me reste plus que « Oh, l'autre assassino !» cria une voix stridente. Et la molinerie, écumante, s'étant dégagée d'une secousse brusque des mains de John Cravette, se précipita vers monsieur de Mélano en brandissant un poignard à manche d'ivoire caché dans son épaisse chevelure. « Oh, ce geste! C'est elle! Je la reconnais !» s'écria monsieur de Arotegui en se dressant livide. Horatio de Mélano, sans s'émouvoir, saisit au vol la main de la meurtrière et la serra si fort que les doigts bleuis s'ouvrirent et laissèrent échapper le poignard. La molinerie poussa un fort hurlement qui se termina en un éclat de rire. Elle était folle. « Je crois, mademoiselle, » fit monsieur de Mélano en se tournant vers mademoiselle Desbleuze, « qu'il ne vous reste plus rien à faire ici. Si vous le voulez, je vais vous reconduire à la frontière. »« Pas avant que tu m'aies restitué mes tableaux, misérable voleur !» hurla le duc de Alcantara. Monsieur de Mélano se mit à rire. « Mille regrets, mon cher duc, ils sont déjà chez moi. »« Chez vous ?» fit le duc, pétrifié. « Oui, je suis le baron de Stromboli. Au plaisir de vous revoir, mon cher. » Et le baron Stromboli, profitant de la stupeur sans nom régnant autour de lui, lâcha la main de la molinerie, stupide, offrit son bras à mademoiselle Desbleuze et, suivi de John Cravette et de Lionel Barnett, sortit du salon. Le ronflement puissant de son automobile s'entendit dans la cour d'honneur, décrut et s'éteignit bientôt. Il était loin. Et toutes les recherches faites par le duc de Alcantara et la police pour retrouver M. de Mélano Stromboli restèrent vaines. Quelques heures plus tard, cependant, l'auto du baron s'arrêtait dans une petite crique près de Sanlúcar, à quelques lieues à l'embouchure du Guadalquivir. Un élégant yacht, croisé sous petite vapeur à moins d'une lieue au large, et accosté à un roc de la berge, un canot automobile attendait. Le baron Stromboli et Charles Desbleuze s'y embarquèrent, tandis que l'automobile rebrousse ses chemins aussitôt. « Vous voici chez moi, mademoiselle, » fit le baron, dès que la jeune fille eut mis le pied à bord du svelte navire. « Nous serons demain à Bordeaux, où vous pourrez débarquer en toute sûreté. » Et sans vouloir écouter les remerciements émus de la jeune fille, le baron Stromboli s'inclina et grimpa sur la passerelle pour commander l'appareillage. Ainsi s'achève le mystère du château Moron, une aventure du baron Stromboli par José Moselli.